Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1, un nouveau podcast. Ça fait longtemps, hein, ça fait bien 3 bons mois que je n'avais pas fait de podcast, environ, et oui. Alors j'avais dit un rythme mensuel, quasi mensuel, voire une fois tous les 2 mois. On est au-delà de ça et j'en suis le premier désolé. Je vous présente mes excuses pour cela, chers auditeurs. Vous avez répondu bien présent lors du dernier podcast, hein. Il y a eu quand même un nombre de téléchargements et d'écoutes assez fou, sachant que également il y avait une assez longue pause entre l'avant-dernier et le dernier podcast. Donc ça m'a fait vraiment très très plaisir, hein, soyez-en sûrs. Et bon, le plus important, c'est que le podcast vous ait plu, outre que ça me fasse plaisir, que ça vous fasse plaisir, tout simplement. Donc aujourd'hui, va y avoir une partie actualité un peu plus chargée, parce que je vais parler un peu des différents grands prix qui se sont passés dans l'intervalle de temps là où il n'y a pas eu de podcast. Donc ça, c'est la première partie sur l'actualité. Ensuite, je reviendrai sur des news qui n'ont pas trait au Grand Prix, mais à des news plus générales sur la F1, sur le règlement technique pour la saison prochaine, par exemple, sur les transferts, etc. On verra tout ça. Ensuite, ça clôturera la partie actualité. Puis, nous entrerons dans le détail avec le thème du podcast, qui est donc les exaltations prématurées des médias envers les pilotes, où on essaiera de revenir en long, large, en travers sur la question. Et j'en avais un peu parlé dans différents podcasts, comme ça j'évoquais ici et là certains trucs, en parlant de certains pilotes, mais c'est un phénomène général, donc je pense que ce thème mérite d'avoir sa place au sein d'une émission, quoi. Une émission complète, au sein d'un thème complet, d'un sujet complet, d'une chronique, qu'on puisse en discuter par la suite éventuellement. C'est un thème important et auquel il découle pas mal d'autres thèmes, hein. Je parle souvent des médias quand je parle de F1 et quand je parle de l'actualité, etc. Donc ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et enfin, dans la dernière partie du podcast, vous le savez, la dernière partie désormais d'une émission d'analyse F1 est un peu plus libre, je m'autorise un peu différentes choses. Eh bien, cette fois-ci, je parlerai de la Formule E, parce que j'en ai pas du tout parlé, hein, de la saison 2016-2017, et donc je pense que maintenant qu'elle est finie, que l'on connaît le pilote titré et l'écurie titrée, eh bien, on peut en parler. Donc je reviendrai, je ferai pas un résumé exhaustif, hein, pas du tout, ça sera un résumé avec un plus gros focus sur le dernier week-end, vu que le titre s'est décidé là. Et avec une dernière partie à propos des nouveautés qui vont faire leur place en Formule E. Là aussi, je ne serai pas exhaustif. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, on va commencer tout de suite le podcast par l'actualité, par les news. Les news, c'est tout d'abord tous les grands prix, hein, comme je l'ai dit, qui se sont déroulés en quelques mois. Donc on va commencer avec le Grand Prix du Canada, puisque le dernier podcast, j'avais dû le sortir juste après le Grand Prix du Canada, mais il ne tenait pas compte de ce Grand Prix, de cette course, si je me souviens bien. Donc ce Grand Prix avait été emporté par Lewis Hamilton devant son coéquipier Valtteri Bottas, suivi de la Red Bull de Daniel Ricciardo. Voilà, donc il y a eu pas mal d'émotions lors des qualifications, vu que Hamilton avait égalé le nombre de pole positions d'Ayrton Senna. Et donc, vous le savez, depuis que Liberty Media a pris possession de la Formule 1, du sport, eh bien, il cherche à reconnecter un peu la F1 avec son public, à ce que les pilotes soient notamment plus proches de leur public, et l'occasion de l'être, hein, parce qu'avant, c'est pas forcément qu'ils agissaient en snob, quoi, non. C'est juste que le sport était trop fermé et ne leur donnait pas la possibilité d'être proche des fans particulièrement. Voilà, c'était quelque chose notamment que critiquaient des pilotes comme Hamilton, qui est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, qui tâche d'être, on va dire, assez proche de ses supporters. Donc il y a eu un événement durant suite aux qualifications du Grand Prix du Canada, pardon. où donc il y a l'interview des pilotes devant le public, comme à chaque Grand Prix désormais. Et donc, la surprise, il y a une personne qui vient remettre un cadeau à Lewis Hamilton. Donc il était un peu drapé le cadeau, on savait pas ce que c'était. Et là, on annonce, c'est le casque qu'avait porté Ayrton Senna, qu'a pu porter Ayrton Senna durant sa carrière. Donc voilà, le cadeau est dévoilé. Là, franchement, on a vu un Hamilton humain, quoi. On a vu un pilote humain face à un cadeau très émotionnel, vu que Ayrton Senna, c'est son héros, tout simplement. C'est son modèle. Il le cite très très souvent. Il l'a cité très souvent dans sa carrière. C'est pas juste pour une stratégie de communication du tout, non. C'est vrai. Tout simplement, son pilote favori, etc. Donc voilà, de recevoir ça de la part de la famille d'Ayrton Senna, c'est vraiment ça. Il était bouche bée, en effet. Donc bref, après il remporte le Grand Prix relativement tranquillement, d'ailleurs. Il n'a pas été inquiété. Ensuite, il y a eu le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, dans la ville de Bakou. Et donc là, ça a été un Grand Prix très mouvementé. Donc il s'est soldé par la victoire de Daniel Ricciardo devant Valtteri Bottas, Lance Stroll qui, après avoir effectué un bon Grand Prix au Canada, il avait marqué, je crois, ses premiers points. Eh bien, à Bakou, il fait un podium. Quatrième, Sébastien Vettel et cinquième, Lewis Hamilton. Donc si vous n'avez pas suivi ce Grand Prix, je vais un peu vous raconter. Donc c'est un Grand Prix un peu fou, il y a eu plusieurs incidents, plusieurs restarts, et la particularité à Bakou des restarts, et en plus qui plus est avec ces F1 2017, c'est que voilà, on a la plus longue ligne droite de la saison à Bakou. Paradoxalement, c'est en ville et on a la plus grande ligne droite de la saison. Et donc quand il y a des restarts, ça part d'assez loin, quoi. Ça part au début de la ligne droite, et évidemment il y a le phénomène d'aspiration qui rentre en compte. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, ce phénomène est encore plus grand. Donc forcément, on a un resserrement général derrière le premier, derrière tout le monde, et ça se décale de tous les côtés pour essayer de se créer une place, de passer tout simplement. Donc ça a donné pas mal de spectacles, en effet, suite au restart. On va pas s'en plaindre. Après, on pourrait se plaindre un peu, c'est des pilotes qui, on va dire, ont vu ces opportunités. On veut qu'il y avait des opportunités pendant la course et on pas su, on va dire, contrôler leur adrénaline. Elle était très forte, voire trop forte. On l'a vu avec les pilotes Force India notamment, il y a eu un précédent au Canada où il y a eu une petite mésentente, un petit désaccord entre Perez et Ocon. Et là, c'était plus qu'un désaccord vu qu'ils se sont vraiment accrochés. Ils se sont accrochés en piste et ils ont perdu des points très précieux, voire même des possibilités de podium, voire de victoire hein, pour les deux hommes. Hein. C'était très dommage, très dommageable pour Force India, même si ils occupaient une position assez bonne au championnat. Depuis longtemps, ils sont quatrième de manière assez à l'aise. Mais bon, un podium pour une écurie, ça représente des choses, quoi. Des points, ça représente des choses, c'est pas rien. Et une voiture cassée, ça représente des sous qu'il faut dépenser pour la réparer, et de l'effort humain également de la part des mécaniciens. Donc voilà, ils se sont accrochés durant un restart, et il y a eu plein de Vettel deuxième. Et à un moment, bon, suite à un virage, Hamilton il a décidé que c'était là qu'il allait ralentir tout simplement la cadence. Mais pas plus que sur les précédents restarts. Il n'a pas fait quelque chose de différent, il n'a pas non plus pilé, mais Vettel sûrement pas très attentif à de la manœuvre à ce moment-là, ce qui était en sortie de virage, donc également au niveau visibilité, on peut également s'y perdre. Donc bref, il a pas du tout aimé, il y a pris comme Hamilton qui essayait de le break tester, c'est-à-dire de le tester sur les freins, c'est-à-dire de lui faire un petit coup de filou, on va dire, en freinant délibérément. Ce n'était pas le cas. Seulement, Vettel dans sa tête, c'était le cas. Du coup, il a pété un câble, mais vraiment. Hein. Pourtant, c'est un pilote quadruple champion du monde. On peut se dire, ces situations d'adrénaline, il connaît. Il est là pour ça. Il est là pour lutter, pour remporter un titre de champion du monde. Donc, il n'y aura pas de souci. Ben, il a pété un câble. Il s'est mis à la hauteur d'Hamilton et bam, il lui a mis un coup de roue. Et là, c'est vraiment plus qu'antisportif, ça aurait pu avoir des conséquences pour les deux pilotes. Ça n'en a pas eu, on va dire, de manière mécanique. Mais ça en a eu vraiment, après, en manière sportive. De manière sportive, puisque Vettel a failli être exclu pour un Grand Prix, pour le Grand Prix suivant. Alors il a eu des points sur son permis là, sur le permis des pilotes, qui lui ont été retirés, mais il n'y a pas eu de Grand Prix de suspension. Il a rédigé une lettre d'excuse auprès de la FIA et finalement la seule sanction, c'est qu'il n'est pas autorisé à participer à des opérations comment dire, de prévention pour la sécurité routière. Évidemment, avec ça, il peut pas faire ça. Il montre pas l'exemple, donc du tout. Donc, c'était logique de la part de la FIA de lui empêcher de participer à ces opérations. Donc voilà, Vettel, bon ben voilà, il pète un câble, c'est comme ça. Il arrive à finir devant Hamilton durant la course. Hamilton qui était en tête tranquille, mais il y a eu un coup de malchance, son appui-tête qui se détache alors qu'il était en tête. Et du coup, il y a eu un restart ensuite. Et Ricciardo, durant ce restart, a fait un magnifique double dépassement lors de ce restart, et c'était assez incroyable. C'était assez incroyable ce double dépassement. Et c'est ce qui lui a valu la victoire, tout simplement. Et Stroll, hein, l'autre bonne surprise. Premier podium après une première partie de saison assez médiocre. Donc ça va être. On l'attend de voir pour la suite. Après, on a su que Stroll est durant. Les Grands Prix suivants, avant les Grands Prix, entre les Grands Prix et tout, il paye pour faire des essais privés avec une monoplace Williams de 2014. Donc on peut dire, ouais, c'est parce que son père est milliardaire, donc voilà, c'est facile, c'est l'argent. Oui, mais d'accord, mais faut les faire ces essais. Je veux dire, c'est bien qu'un pilote soit assez motivé. Il pourrait se dire, ouais, je suis satisfait de ma situation, je suis en F1, je suis bien payé, j'arrête là. Non, il en veut plus, il veut être efficace sportivement, donc il fait ce qu'il faut avec les moyens qu'il a pour faire, comment dire, pour faire des essais et pour progresser dans son pilotage. Pour moi, ça me paraît tout à fait honnête, hein, ce qu'il fait, Stroll. Et si ça lui permet d'être sur les podiums et de nous montrer du beau pilotage, ben tant mieux, hein. Tant mieux. Ensuite, en Autriche, premier Bottas qui remporte la course devant Vettel, Ricciardo et Hamilton. Alors là, c'est un autre Grand Prix où Hamilton n'était pas dedans en termes de rythme. Ça peut arriver parfois, comme je l'avais montré lors du précédent podcast. Ça arrive des fois, Hamilton, il n'est pas du tout dans le rythme. On ne sait pas pourquoi. Là, c'était un de ces grands prix-là. Mais voilà, ça peut être de trop sur la durée d'un championnat. Ça peut lui causer un titre. Hein. On l'a vu l'année dernière. Hein. Ça a été un des facteurs qui lui ont coûté le titre l'année dernière, avec les erreurs notamment au départ. Là, c'est en termes de rythme. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et Bottas dans le même temps qui enchaîne les bons résultats, deuxième, premier. Et au Grand Prix de Grande-Bretagne de nouveau deuxième Bottas avec la victoire d'Hamilton chez lui. Troisième Raikkonen, septième Vettel seulement. Septième Vettel. Alors c'était une victoire très importante pour Hamilton, hein, trois Grands Prix après sa dernière victoire. Donc voilà, chez lui en plus. Et Vettel qui n'a pas eu de chance cette fois-ci, c'est lui qui a pas eu de chance. Il a eu un problème technique en fin de course, tout simplement. Un problème technique en fin de course. C'est assez dommage. C'est assez dommage. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de la course automobile et de la F1. Donc Bottas, encore une fois, là, avec cette deuxième place qui se raffirme et qui se rapproche à moins de 25 points, si je me souviens bien, d'Hamilton à ce moment-là. Donc, dans la lutte. C'est là où on parlait de Bottas pour aller dans la lutte pour le titre. Pourquoi pas? Mais c'était encore un peu loin et il lui manquait de la régularité devant Hamilton notamment. Faut attendre de voir. Et en Belgique, bon, ça commence à se plier, on va dire l'affaire. Premier Hamilton, deuxième Vettel, troisième Ricciardo. Avec une belle lutte en termes de chrono entre Hamilton et Vettel. Ils ne se sont pas luttés, on va dire, côte à côte, mais quand même, c'était une belle lutte. Hein. Il fallait rester concentré et faire des gros temps autour, parce que sinon, Vettel se rapprochait dans la zone DRS et ça pouvait être compliqué. D'ailleurs, il s'est rapproché une ou deux fois et il a tenté des trucs. Vettel, malheureusement, Hamilton a usé de stratégies défensives très très bonnes pour rester devant. Et il le fallait parce que pour résister à une Ferrari qui a le DRS à la sortie d'eau rouge et du raidillon, c'est compliqué. Et pourtant, il a bien fait. Il a bien fait, notamment. Ça se joue également à la sortie de l'épingle, hein, où il faut piéger un peu son adversaire pour le ralentir et pouvoir réaccélérer et que son adversaire réaccélère un peu plus tard. C'est une des tactiques. Ou bien le faire en sorte que son adversaire soit très près avant l'eau rouge. Comme ça, il a des perturbations aérodynamiques plus tard et surtout, il est obligé de ralentir pour pas rentrer dans son adversaire avant au rouge, parce que tu peux pas trop dépasser là. Et c'est ce qu'a fait Hamilton. Il l'a fait très bien sur Sébastien Vettel. Donc voilà. Et encore une fois, on note un restart gagnant pour Ricciardo qui saisit toutes les opportunités, hein. Podium au Canada, podium en Autriche, victoire à Bakou. Et podium en Belgique, voilà, sur les 5 grands prix que j'ai cités, il y a quatre podiums et une victoire. Donc c'est assez fort encore une fois. La moindre opportunité qui se présente, il l'a saisie, Ricciardo, c'est assez incroyable. Dans le même temps, Verstappen n'a pas la même chance, il a la malchance déjà des problèmes mécaniques qui ont un peu gâché sa saison, mais également quand il n'y a pas les problèmes mécaniques, il va en faire trop sur les départs ou en course. Et il y a des accrochages, ou bien Ricciardo est devant. Bref, très mauvaise saison de la, enfin mauvaise saison de la part de Verstappen, vraiment comparé à un Ricciardo qui est très bien, qui est vraiment très très bien, qui saisit la moindre opportunité. Bah il est là, il double quand il faut. Il est parfait dans ce rôle-là. Et il passait Bottas en plus, hein, un restart, hein. Donc moteur Renault contre moteur Mercedes. Donc voilà, je l'ai noté, 6 podiums en 12 courses hein, pour Ricciardo, ce qui est énorme, dont une victoire sur une Red Bull, sachant que cette année, c'est Mercedes et Ferrari qui sont devant, eh bien c'est très très bien pour le pilote australien. Donc voilà, en Belgique aussi, ça a marqué le pinacle, le summum entre les deux pilotes Force India, où il y a eu des accrochages qui auraient pu coûter très cher et qui auraient pu être très dangereux, notamment au départ, là où s'il y avait eu accrochage vraiment, ça s'est touché, les roues sont touchées, mais si ça s'était vraiment accroché, puis tête à queue, il y aurait pu y avoir un effet domino qui nous aurait rappelé le Grand Prix de Spa 1998. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, encore une fois, ils se sont accrochés, et là, je me disais, mais je comprends pas. Pourquoi les patrons de Force India, ils sont pas plus, comment dire, plus autoritaires avec leurs pilotes? Il y a eu quand même Canada, Bakou, après il y a eu des déclarations entre les deux, c'était assez chaud. Non, non, non, à ce moment-là, il faut dire aux deux pilotes, après Bakou, il faut dire, bon, là vous nous avez coûté quand même pas mal de points, on veut plus ça, la prochaine fois que ça se passe, eh bien il y aura des sanctions, avec, on fait intervenir notre troisième pilote à la place d'un de vous deux. Ben, ça a été le cas après la Belgique, mais bon, ça fait quand même beaucoup de points perdus tout ça. Beaucoup de points perdus, parce que quand même deux accrochages entre les deux pilotes, c'est assez ridicule. Ça a coûté vraiment beaucoup de points sur le coup. Et même s'ils sont tranquillement quatrième, comme je l'ai dit, encore une fois, après le Grand Prix de Belgique, ils étaient tranquillement quatrième. C'est pas une raison, faut qu'ils fassent attention. Et là, du coup, ben là, Force India a mis les choses au clair et a fait la menace. Prochain accrochage, Grand Prix de suspension, et voilà, celui qui est devant en course, eh bien, il reste devant, donc tant pis. Vous n'avez plus tellement le droit de vous battre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ben, c'est normal, ils l'ont cherché. Ils l'ont un peu cherché maintenant pour se battre en piste. Soit il faudra que ce soit assez clair, on va dire. C'est-à-dire, il y a le pilote derrière qui est plus rapide, ben le pilote devant le laisse passer, ils font une course d'équipe. Soit celui qui est devant, il reste devant. Ce sera tout simplement ça. Maintenant, la politique Force India, ils ont raison de faire ça, parce que leurs deux pilotes sont pas capables de se calmer. Et en particulier Pérez, qui est un pilote d'expérience, donc qui devrait un peu canaliser les choses. Non, justement, il est mis sous pression par Esteban Ocon, le Français, qui veut jouer des coudes, forcément, il veut se montrer. Et du coup, il pensait pas du tout que ça allait être comme ça, je pense, Pérez. Et du coup, il réagit un peu de mauvaise façon. Et Ocon n'est pas en reste, hein, parce que lui non plus lâche pas le morceau. Donc bon, forcément, à un moment, faut que l'écurie tranche. Les deux pilotes sont pas en lutte pour le titre. Il y a aucune raison de s'accrocher comme ça. Voilà, on a vu hein, que les deux sont rapides, ils n'ont pas besoin de montrer plus, c'est bon. Qu'ils fassent une course d'équipe, ça sera mieux. Ils montreront pas de mauvaises choses au reste du paddock, et voilà, bon. Maintenant, ils ont fait un amende honorable, et ils savent qu'ils courent pour leur écurie, et pas seulement pour eux. Ensuite, le Grand Prix d'Italie. Donc Hamilton 1er, 2e Bottas, 3e Vettel. Alors là, pôle sensationnel de Hamilton sous la pluie. Une seconde, une d'avance sur le deuxième qui était Verstappen. C'était Hamilton sous la pluie ou dans des conditions compliquées, c'est pas imbattable, mais il a encore une fois son ratio de pole ou de victoire dans ces conditions, c'est assez énorme. Et ensuite la course était plutôt tranquille pour lui, voilà. avec Vettel là qui perd encore quelques petits points sur Hamilton et qui là je crois se retrouve à ce moment-là avec 3 points de retard. Là c'est Hamilton qui passe devant, hein. C'est la course qui fait que Hamilton passe devant pour la première fois de l'année au championnat du monde des pilotes. Donc c'était assez fort. Et autre fait marquant, c'est que c'était une pole historique, celle d'Hamilton, parce que il passe premier de tous les temps. Et oui, premier tout court, donc devant Michael Schumacher. Donc après, ça veut tout et rien dire, hein, ce genre de statistiques, parce que c'est exceptionnel. On sait que Hamilton, c'est un formidable poleman, un formidable pilote en qualification. Mais ça veut tout et rien dire parce que maintenant les saisons sont bien plus longues. Donc il bénéficie de saisons plus longues avec une monoplace qui lutte pour le titre. Donc voilà, donc faut relativiser un peu ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il est premier de tous les temps. Voilà, c'est un fait statistique et mathématique. Et tout ce qu'on peut dire, ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur poleman de tous les temps. Ça veut dire qu'il fait partie des tout meilleurs, ça c'est clair, historiquement parlant. Mais voilà. Il fait partie des tout meilleurs, c'est tout ce qu'on va dire. Ça c'est clair. Ensuite, Grand Prix de Singapour, ah ben là c'est la Bérésina. Un premier Grand Prix de Singapour de l'histoire du Grand Prix de Singapour dans des conditions climatiques changeantes. Donc ça c'était ce qui était assez fort à noter. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, ben il y a eu un départ assez chaotique. On avait premier Vettel, deuxième Verstappen, troisième Raikkonen. Raikkonen fait un superbe départ. Vettel fait pas trop un bon départ. Verstappen fait un meilleur départ que Vettel, mais moins bon que Raikkonen. Bah du coup, à un moment, Vettel il a voulu bloquer Verstappen, sauf qu'il a pas vu Raikkonen qui avait fait un départ canon. Et du coup, ben effet de sandwich. Verstappen se retrouve en sandwich. Se rabat malencontreusement sur le pauvre Raikkonen qui tape comment dire Vettel. Ensuite Raikkonen il était en dérive avec Verstappen, il tape Alonso qui avait fait un très très bon départ, qui allait tout simplement être troisième au premier virage après être parti dans les méandres, on va dire, dans le peloton. Et après le deuxième virage, eh bien Vettel commet une erreur, part à la faute. Alors, est-ce que l'équipe de la voiture a été perturbée par la touchette avec Verstappen et Raikkonen peut-être? Mais en tout cas, il part à la faute, perd l'aileron avant et doit abandonner parce qu'il n'y a pas que l'aileron, il y a vraiment tout le nez qui était cassé. Donc il doit abandonner malheureusement, il n'a aucune possibilité de rentrer à son stand pour essayer de réparer le truc. Et voilà, c'est ce qui peut s'appeler le tournant du championnat. Un tournant du championnat, voire le tournant. Parce que là, il marque aucun point et dans le même temps, bah, Hamilton gagne la course. Il s'est retrouvé en tête. Alors que là, à Singapour, les Mercedes étaient vraiment pas bien. Hein. Elles étaient, je crois, 5 et 6 au départ, un truc comme ça. Et étaient vraiment pas bien en termes de rythme. C'est vraiment le Grand Prix noir de Mercedes hein, depuis des années. Même si Rosberg avait remporté l'année dernière la course. Mais c'est pas une très bonne piste pour Mercedes. Et voilà, il y a eu des conditions changeantes. Et dans ces conditions, Hamilton a de nouveau remporté la course. C'est assez exceptionnel. Deuxième, Ricciardo, voilà. Encore une fois, une opportunité, il l'a saisie. C'est assez exceptionnel également. Ce pilote mérite vraiment, en particulier Ricciardo, vraiment, d'être dans une monoplace qui lui permette de lutter pour le titre de champion du monde. Je veux le voir. Je veux le voir à l'œuvre. C'est un formidable pilote. Et on veut tous le voir à l'œuvre, vraiment. Et troisième, Bottas, qui fait une bonne course d'équipe du coup, hein, qui permet à Mercedes de s'échapper au championnat du monde des constructeurs encore plus, et ça semble plier hein, pour les constructeurs vraiment déjà. Je vois pas comment Mercedes pourrait se faire rattraper pour le championnat du monde des pilotes. Hamilton a 28 points d'avance sur Vettel, donc il y a le Grand Prix là demain là de Malaisie. On va voir ce que ça donne. Bottas a 212 points au championnat et donc hein, trop loin. Bon, il est à portée de Vettel à 23 points, mais il est surtout à 51 points d'Hamilton. C'est trop loin avec les nombres de Grands Prix qui restent. Alors, mathématiquement, Bottas y croit encore, mais il a été pendant une petite période très très bien. Et bon, mais c'est pas régulier. Trop souvent, Hamilton ou et Vettel sont devant lui en termes de rythme, que ce soit en qualification ou en course. Donc, ça sera pas suffisant pour lutter pour le titre cette saison. Même s'il y fait une bonne saison, quoi. Une bonne saison. Donc on va voir demain, et du côté des constructeurs, comme je l'ai dit, 102 points d'avance pour Mercedes sur Ferrari, ce qui est assez énorme. Qui est assez énorme, quand même. Donc je vois pas comment ça pourrait le faire pour Ferrari. Et voilà, ça c'était un peu la rétrospective des derniers Grands Prix. Je voulais y faire court, j'ai fait un peu long. J'en suis désolé. Donc il y a quelques news, hein. J'ai pris les principales, c'est pas exhaustif, hein. Je prends les principales news et je vous en parle. Donc, il y a le halo. Vous savez, le halo, c'est le système de protection du cockpit. Esthétiquement, jugé assez moche par la plupart des gens. Eh bien, il devrait faire son apparition en 2018. Vraiment. Parce que ça a été ratifié dans le règlement et tout. Même si le système, il divise pas mal, hein, au sein du paddock, hein, tous les pilotes, loin de là, sont pas d'accord avec le système. Alors, des précisions ont été apportées sur le règlement, évidemment, relatif au halo, et les ingénieurs, apparemment, pourront se servir du halo pour se créer des avantages aérodynamiques. On verra comment c'est exploité. Sachant que, de base, ça va le perturber, l'aéro. Hein. Ça va perturber l'aéro et que les écuries là étaient vraiment là c'était vraiment le dernier moment pour dire que le halo va être introduit parce que les écuries sont déjà en train de préparer les maquettes des monoplaces de 2018 et le halo ça représente déjà un certain poids et ça représente également des perturbations aérodynamiques donc tout le design dépend également de la présence ou non du halo et également pour des raisons de sécurité parce que le halo fait en sorte que les monoplaces doivent supporter certain nombre de charges, on va dire. Une certaine charge, les monoplaces doivent encaisser une certaine charge qui est définie par la FIA, par le règlement. Et donc, la présence du halo entraîne cette obligation. Et donc là, les écuries doivent s'activer, en particulier les petites écuries qui sont même pas sûres là maintenant, hein, on est en septembre pourtant, sont même pas sûres d'avoir la monoplace disponible dès les essais de Barcelone, la monoplace finale, quoi, parce que en termes de délai, c'était vraiment le dernier moment pour annoncer le halo. Donc c'est assez dommage. On va voir après le halo. Ça peut être bien intégré esthétiquement. Si les couleurs, c'est pas que le noir là qu'on a vu là, le noir assez moche qui tranche surtout avec certaines monoplaces qui sont pas du tout de cette couleur. Mais si le halo est rendu dans les couleurs d'écurie ou quoi, ça peut éventuellement, je pense, bien s'intégrer et on risque de s'y habituer. Alors, je lisais notamment des interviews de pilotes qui disaient que voilà, avant aussi, il y a eu des gros changements dans le design de certaines monoplaces et finalement, voilà, à l'époque, on considérait que c'était moche et on s'y est habitué avec le temps. Donc, est-ce que ça pourrait faire pareil avec le halo? On va voir. En tout cas, c'est quasi sûr qu'il va être intégré maintenant. Même 99% sûr, je pense, avec tout ce que j'ai dit déjà, et parce que la F2 tout simplement va introduire le halo, puisqu'ils ont développé la monoplace de F2 de Formule 2 et elle dispose du halo. Sinon, concernant les propriétaires de la Formule 1, donc Liberty Media, ils réfléchissent déjà à l'après 2020. Donc à l'après 2020, pourquoi? Parce qu'il y a les accords Concorde et qu'ils peuvent pas agir tous azimuts. Comme ça. Et aussi parce que le règlement moteur va jusqu'à 2020 ou 2021, je sais plus. Donc voilà, ils réfléchissent à retirer le DRS ou l'aménager. Rose Brown l'a déclaré. Donc ça, j'étais content. Parce que si vous suivez Analyse F1 depuis des années que je suis sur PodCloud, et peut-être pour certains d'entre vous, depuis encore plus d'années quand j'étais sur Showprime à l'époque, et sur YouTube, eh bien, vous savez que le DRS n'a pas mon approbation, que c'est vraiment... un amour à sens unique de la part du DRS envers moi, mais non, moi je ne l'aime pas le DRS, donc je suis pour l'aménager ou le retirer, oui, je le répète depuis des années, oui, j'ai déjà évoqué des solutions pour cela, et je suis content d'entendre Rose Brown, qui est en charge de la partie sportive pour Liberty Media, dire qu'il veut s'en débarrasser. Et il veut dans le même temps, puisque, voilà, on peut pas dans un temps retirer le DRS, et dans l'autre temps, avoir des monoplaces comme en 2017 qui ont du mal à se rapprocher les unes aux autres dû aux perturbations aéro. Donc voilà, il veut faire un règlement technique dans le même temps qui permette aux F1 de mieux se suivre dans les courbes rapides notamment, ce qui favoriserait les batailles et donc il n'y aurait plus besoin du DRS ou du moins le DRS aurait une dimension plus stratégique, c'est-à-dire que ce serait pas aussi débile que maintenant. Voilà. À part sur certains circuits où c'est bien fait parce que les lignes droites sont peut-être plus courtes ou la ligne de DRS est peut-être mieux faite. Mais globalement, C'est un peu débile le DRS. Pardon de le dire, mais je le pense. Si vous voulez d'autres détails, je pense qu'il y a pas mal de podcasts où j'en ai parlé, voire même des podcasts où j'ai consacré tout le podcast au DRS. Donc n'hésitez pas à les consulter. Vous trouverez ça sur podcloud.fr relativement facilement, je pense. Voilà. Maintenant, parlons des transferts. Alors là, la saison des transferts, elle a vraiment bien débuté. C'est le moins que l'on puisse dire. Kubica fait parler de lui. Il a effectué des essais privés, sachez-le, avec Renault, des essais privés assez prometteurs d'ailleurs, où il était totalement dans le rythme, il était plus rapide que Sergei Sirotkin, qui est l'autre pilote essayeur de Renault, qui est un pilote de Formule 2, notamment. Et ensuite, il a effectué des essais officiels avec Renault. Donc voilà, on pourrait se dire, ouais, Robert Kubica, on s'y attendait pas, ça fait très plaisir de le voir, parce que lui-même, il y a de nombreuses années, eh bien, disait que son retour en F1 était impossible dû au fait que voilà, qu'il y avait trop de charges, trop de force G qui seraient opposées sur ses mains, qui étaient pas en carton, mais qui étaient pas assez solides pour qu'il puisse conduire une F1. Il pouvait conduire d'autres monoplaces, enfin d'autres dans d'autres catégories, mais pas des F1. Et lui-même n'en pensait pas, mais finalement ça a évolué correctement, de tel qu'il peut conduire une Formule 1 de 2017, qui sont les Formule 1 les plus durs physiquement à conduire de ces dernières années. Rosberg également va aider Kubica, puisque il entre plus ou moins dans son management, quoi. Enfin, il aide en tout cas, il va aider Kubica à re-rentrer en F1. Donc ça, c'est bien, un champion du monde, le champion du monde sortant qui aide le pilote polonais. Donc ça peut qu'aider, en effet, avec tous les contacts que Rosberg peut avoir, notamment au sein de Williams, par exemple, hein, qui peut être une idée. Williams qui sera une idée forcément, pourquoi ? Parce que Renault ne prendra pas Kubica. Renault a décidé de jeter son dévolu sur Nico Hülkenberg, c'est normal, et de remplacer Julian Palmer, dont les performances ne satisfont pas l'écurie française, et c'est bien normal, par Carlos Sainz. Alors là, vous allez me dire, Carlos Sainz, mais c'est un pilote Red Bull. En fait, il est prêté par le giron Red Bull à Renault. Pourquoi ? Parce que il y a eu tout un micmac avec McLaren Honda. Ça commence avec McLaren Honda. Alonso qui met de plus en plus la pression sur son écurie pour que McLaren se débarrasse du moteur Honda pour être performant. Et donc voilà, McLaren activer les choses, il ne sera pas motorisé par Honda en 2018, et sera motorisé par Renault. Pour la première fois de l'histoire de McLaren, eh bien, il y aura une alliance McLaren-Renault. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, au milieu des années 90, il y avait une alliance pas fructueuse entre McLaren et Peugeot. Là, c'est une alliance entre McLaren et Renault. Donc voilà. Donc, ensuite, Honda, ils veulent rester en F1, quoi. Ils veulent motoriser une écurie, évidemment. Donc, ça sera Toro Rosso. La condition pour que Toro Rosso lâche Renault, Renault a mis la condition, a dit bon, vous lâchez Renault pour Honda, ok, nous on va chez McLaren, mais dans ce cas, vous nous laissez Sainz pour l'année suivante. C'est pas une mauvaise idée, Sainz est un pilote très rapide, qui saisit bien les opportunités. Après, quand il est en bataille avec d'autres pilotes, c'est moins bon, c'est vraiment son gros défaut, mais sinon, en termes de vitesse de pointe, c'est très très bien, donc c'est une bonne idée. Puis il sera opposé à Nico Hülkenberg, donc ce sera un bon étalon, on va dire, un bon test pour lui. Et Julian Palmer, sûrement, il a quelques courses pour prouver. Là, il a fait une bonne course à Singapour, on verra en Malaisie et dans les Grands Prix suivants. Mais je le vois pas aller être en F1 en 2018, ou que chez Sauber, quoi. Parce que Palmer, son père, Jonathan Palmer, a des fonds, donc peut-être que Sauber sera intéressé. Mais je vois pas une autre écurie être intéressée par Palmer, vraiment. Sauf s'il fait une fin de saison exceptionnelle, mais ce serait très bizarre, très bizarre. Et aussi chez Toro Rosso, là, pour quelques Grands Prix en cette fin de saison, eh bien Toro Rosso fait appel à Pierre Gasly, le pilote français, qui est actuellement deuxième du championnat de Super Formula au Japon, à deux courses de la fin de saison, où il lutte pour le titre, hein, vraiment il a un demi-point du leader, donc c'est bien. C'est le champion de F2, de GP2 en 2016, hein, Pierre Gasly. Donc voilà, il sera, avant de l'officialiser en 2018, eh bien, Toro Rosso souhaite vraiment le mettre à l'essai en 2017 pour qu'il soit vraiment prêt. Et aussi parce que Daniil Kvyat fait de mauvaises performances. Et que c'est une sorte de punition également. Et là, c'est justifié pour Kvyat. Encore, je le défendais à l'époque quand il avait été sorti de Red Bull en pleine saison. Là, c'est déjà plus justifié parce qu'il a un nombre de points risible par rapport à son coéquipier. En termes de rythme également, il n'est pas là la majeure partie du temps. Donc, bon, c'est une bonne idée. Et puis, Kvyat reviendra au Grand Prix des États-Unis très certainement. Donc voilà, bon après faut voir sur le line-up 2018 pour Toro Rosso, est-ce que ce sera Gasly Kvyat ou Gasly quelqu'un d'autre. On Kubica pourrait faire partie de l'écurie Red Bull, hein, si Red Bull veulent le prendre, ça m'étonnerait. C'était pas trop dans la politique de Red Bull de faire ça généralement, mais bon, sait-on jamais. Ça peut être une idée. Voilà, et on espère qu'Alonso chez McLaren Renault, il pourra lutter pour des victoires et voir pour le titre la saison prochaine, évidemment. Et aussi de voir Stoffel Vandoorne s'exprimer. Mais attention, Alonso, c'est pas sûr, il a pas rendu sa décision, il attend des certitudes, et il veut vraiment des certitudes au niveau du package qu'il y aura l'année prochaine chez McLaren, l'alliance avec Renault, comment ça va se passer, et si ça va déboucher quasi à coup sûr sur un package, une monoplace compétitive. S'il n'y a pas des certitudes ou des éléments qui lui font penser que ça vaut le coup de courir l'année prochaine, ben, il ira ailleurs, tout simplement. Il aura raison de le faire, je pense. Il aura raison de le faire. Voilà. C'était tout pour les news qui ont duré très longtemps. J'aurais peut-être pas dû faire tous laïus sur les grands prix précédents, en fait. C'est peut-être une erreur de ma part. Bon, c'est une leçon à retenir pour la suite. En tout cas, voilà. On va marquer une petite pause. On va s'écouter un peu de White Blues, hein, le groupe grenoblois. De Jack Blues Metal, et on se retrouve juste après, à tout de suite, bonne écoute. Yeah. On se retrouve pour parler du thème de la semaine, après une partie actualité assez dense, hein, et pourtant pas exhaustive, mais qui était quand même assez dense, hein. Désolé pour cela d'ailleurs. Ouais, c'est parti, hein, les exaltations prématurées des médias envers les pilotes. Ben, ce que j'appelle ça déjà, définissons cela. Pour moi, c'est un jeune pilote qui a fait des performances dans sa catégorie, donc dans les catégories jeunes avant. Ça peut être GP2, ça peut être F3 Europe, ça peut être tout et n'importe quoi. Et avant d'entrer en F1, avant même d'entrer en F1, ou quand il entre en F1, eh bien il est mis sur un piédestal, comme étant le nouveau Messi, la nouvelle légende, le futur multiple champion du monde qui va battre tous les records. Pour moi, ça c'est la définition du pilote qui va être exalté quoi par les médias. Et pour moi, c'est un sujet sur lequel il faut parler. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un problème. C'est un réel problème, ça, que certains médias fassent ça. Je vais pas tout mettre dans le même sac. Il y a des médias qui peuvent être objectifs, mais de plus en plus, quand même, hein, une bonne partie des médias, que ce soit leurs médias, j'entends par là. Télévision, radio, internet, presse écrite. Tout, en fait, tout, hein. Je mets tout dans le même sac. Je mets tout dans le même sac, après c'est les différents concurrents, je les mets pas dans le même sac. Mais bon, généralement, malheureusement, ça se généralise de plus en plus. Pourquoi? On le verra justement, c'est une question, pourquoi? Il y a pas mal de questions, pourquoi font-ils cela d'ailleurs, ceux qui exaltent comme ça, qui s'exaltent, qui exultent, qui je ne sais pas. Est-ce positif pour le sport de faire ça? Est-ce positif pour la bonne compréhension du sport par les spectateurs? Est-ce bon pour les pilotes, hein? C'est important de se placer de leur point de vue également. Est-ce bon pour eux vraiment d'être placés comme ça alors qu'ils ont encore rien fait en F1, qu'ils débutent dans la catégorie ou qu'ils n'ont même pas encore débuté? Quels sont les principaux exemples? Il faut illustrer évidemment le propos par des exemples concrets, ce que je tâcherai de faire. Et est-ce tout simplement pertinent? Est-ce tout simplement pertinent de faire ça? Parce qu'au final, si c'est justifié, si la pratique est justifiée de la part des médias de faire ça, bon, y a pas de souci, j'arrête le podcast, y a pas de souci. Mais justement, y en a un. Et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une grande partie de cette émission à ce thème. Donc voilà, je vais tâcher d'apporter une réponse à chacune des questions que j'ai posées précédemment. Donc, la plus grosse question finalement, qui peut clore le problème éventuellement, est-ce justifié? Est justifié. Donc voilà, vous avez bien compris que ça ne l'est pas, comme je l'ai dit. Le pilote n'a rien fait en F1, ou très très peu en tout cas. À côté, il y a des pilotes aguerris quand même, des pilotes titrés, qui sont en lutte pour le titre et tout, mais on a l'impression qu'on a Dieu que pour le nouveau. Le nouveau. Ça a pu être à l'époque, dès le premier Grand Prix de Kevin Magnussen, ça a pu être Pastor Maldonado dès sa première victoire, j'y reviendrai. Max Verstappen, exemple très récent. Ça peut être tout et n'importe quoi comme pilote, hein. Ça peut être Esteban Ocon quand la presse chauviniste, pour la presse chauviniste. Ça peut être vous pouvez trouver des exemples, vraiment pas mal d'exemples. Enfin bref, et on met en avant eux alors qu'à côté, on a des Hamilton, des Vettel qui luttent pour le titre, même des Ricciardo qui sont plus capés. Voilà. En fait, on a l'impression qu'il y a un décalage complet entre la réalité et ce qu'on veut nous vendre. C'est-à-dire, on veut nous vendre quelque chose qui n'est pas encore vrai, comparé à la vérité. La vérité, c'est les pilotes que j'ai cités, c'est les vraies luttes, quoi. Pour l'instant, ne mettons pas le jeune en avant qu'il ait fait des trucs. Parce que sportivement, ce n'est pas justifié. Et moi, tant que sportivement, ce n'est pas justifié, jamais un média doit faire ça. Jamais un média doit faire ça. C'est débile. C'est débile. Donc soit ils sont pas objectifs, ces médias. On pourrait dire mais non, c'est les médias spécialisés, médias sportifs. Forcément, c'est des spécialistes, des experts, voire des anciens pilotes et tout. Donc ils sont objectifs, ces gens-là. Donc soit ils sont pas objectifs. Bon. On va dire que c'est pas ça. Soit ils font preuve de stupidité, ils analysent mal leur sport. Donc ça ne l'est clairement pas ça. Donc, à mon avis, ils ne sont pas objectifs, tout simplement. Ils font pas preuve de stupidité. Ils savent. À mon avis, ils le font délibérément. Et c'est ça le pire, en fait. Ils le font délibérément. Parce que, voilà, ils sont capables de raisonner plutôt intelligemment. Vraiment, c'est des gens qui connaissent le sport et tout. Mais ils se laissent aller à, on va dire, comme le premier trou, le premier mouton, et les autres, ils suivent la danse, parce que s'ils suivent pas la danse, ils ont l'impression qu'ils seront plus dans le coup. Tout simplement, qu'ils vendront plus, etc. Donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, voilà, ça. Il faut faire vendre. Il faut rapporter du clic pour les sites. Il faut du sensationnel. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, dans le domaine sportif. Parce que ça touche toutes les presses. Et c'est ça qui est dommage. Touche toutes les presses parce que peut-être que les presses aussi, il y a certains défauts aussi, notamment la presse internet a du mal à gagner des sous, notamment sur les revenus publicitaires que génèrent les sites internet. De moins en moins, ils peuvent faire ça. D'ailleurs, j'en avais parlé déjà dans un précédent podcast. Et notamment, motorsport.com s'est mis comme un peu les médias de jeux vidéo. Et d'autres médias, d'ailleurs les médias généralistes qui l'ont fait également, à faire un système d'abonnement pour pouvoir lire les articles. Parce que, ouais, les revenus publicitaires ne rapportent plus. Donc bon, s'ils mettent en place ce système de, comment dire, de sorte d'abonnement, on s'abonne, on va dire, au journal internet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si ça permet aux médias d'être un peu plus, on va dire, indépendants et de vraiment produire une analyse intéressante, là, je dis oui. Et là, si je vois ça, moi, analyse F1, est-ce que ça aura encore des raisons d'exister si jamais il y a des bonnes analyses et tout de partout? Non. Non, clairement, j'aurai pas ma place parce que il y aura déjà des gens qui le font. Et qui le font très certainement mieux que moi avec leur professionnalisme qu'on peut leur connaître, etc. Mais en ce moment, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas, ça touche. Et puis ça touche toutes les presses, hein, de vouloir faire vendre comme ça. Et même malgré le système d'abonnement. Malgré le système d'abonnement, donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste là-dessus. Les presses généralistes, politiques, sportives, presse de jeux vidéo, comme je l'ai dit, ils essayent, voilà, pareil, ils essayent tous de faire vendre, de faire du buzz, de voilà, qu'il y ait de l'audience, etc. C'est dommage. Et ça fait partie, ça, des raisons pour lesquelles j'ai créé Analyse F1 d'ailleurs, pour vous apporter un propos différent qui ne sera influencé par aucun intérêt. Aucun quelconque intérêt. C'est-à-dire que voilà, moi je fais ça gratuitement. Même d'ailleurs, si j'étais payé, je le ferais ça de manière objective. Il n'y a pas de souci. Je resterai indépendant dans mon esprit. Je veux dire dans ma manière de penser, dans ma réflexion. On va dire ma liberté de penser. Vous ne l'aurez pas, comme disait Florent Pagny. C'est un peu ça l'idée. Disons que voilà, je resterai fidèle à moi-même et à mes analyses. D'ailleurs, ça se verrait vite si je changeais de manière de faire, je pense. Ça ne tromperait personne et ce serait très très irrespectueux envers vous et envers moi en premier lieu. Alors, parmi les exemples les plus criants, moi je vais citer Pastor Maldonado. Après sa victoire au Grand Prix d'Espagne en 2012, c'est le plus criant. Pourquoi? Parce que c'est pas un bon pilote. C'est pas un très bon pilote notamment, et il s'est illustré comme pouvant être un très mauvais pilote également. Donc, il a gagné le Grand Prix d'Espagne en 2012. Et ensuite, voilà, ça a soulevé des affirmations, mais vraiment incroyables. Maldonado, premier pilote de son pays à gagner la course. Donc, il pourrait être le premier pilote de son pays à tout simplement à remporter un titre de champion du monde dans le futur. Il a le potentiel, il a battu les plus grands sur une Williams, etc. Sans tenir compte d'autres facteurs tels que la dégradation des pneus Pirelli durant la première partie de la saison 2012, qui était très aléatoire et qui permettait justement de créer des surprises et d'avoir, je crois, 6 vainqueurs différents dans les 6 premiers Grands Prix. Voilà, il fallait tenir compte de tous les facteurs, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré rentrer dans le trivial et dans ce qui est le plus facile à faire et ce qui se vend le plus en mettant Maldonado sur un piédestal. Voilà, en spéculant sur l'avenir et voilà, justement pour attirer les gens qui vont se dire « Ouais, il y a un nouveau et tout, on va le suivre et tout. » Du coup, ça amène à s'intéresser, voilà, et du coup, ils vont cliquer sur les articles qui concernent ce pilote. Quand il y a une à propos de ce pilote, ils vont acheter le journal, etc. C'est tout un phénomène, hein, ça c'est clair. Donc bon, c'est assez dommage et on a bien vu par la suite, et c'était prévisible, parce que voilà, Maldonado, même avant sa victoire, voilà, on pouvait avoir des doutes, on savait qu'il pouvait être rapide, mais voilà, on n'avait aucun élément permettant de nous prouver sa régularité. Et en effet, ben, au lieu d'attendre avant d'analyser, on préfère balancer tout de suite un truc, puis si c'est vrai, on dira, ben je l'avais bien dit, et si c'est faux, on dira, ben justement, on dira rien, et puis on ira se cacher en catimini, où on dira, ben c'est facile de le dire après. Non, c'est pas le dire après, c'est analyser objectivement tout au long de la carrière d'un pilote ce qui se passe, tout simplement. Donc, autre question, est-ce positif pour le sport en général? Ben, selon moi, ça dépend sous quel point de vue on se place en répondant à la question. Oui et non. Donc, on peut répondre oui et non. Premier point de vue, on se place du point de vue du sport en lui-même. Donc, pour moi, la réponse, c'est clairement non. Parce que ça incite indirectement les gens à envisager que le sport est facile d'accès si on leur bourre le crâne que le petit nouveau est magique. Et oui, qu'il est magique, exceptionnel, et qu'à côté, on fait pas d'éloges plus amples sur les pilotes qui en méritent encore plus. Donc, par exemple, Hamilton, Raikkonen, enfin, Hamilton, Vettel, Ricciardo, etc. Donc non, non, il faut pas que les gens pensent que le sport, voilà, n'importe quel pilote peut y entrer et voilà et du coup c'est un futur champion du monde. Non, parce que ça énerve les gens déjà et ça leur met dans la tête, comme beaucoup des gens ont ça dans la tête, que la F1 c'est un sport facile, que et du coup les gens pensent voilà ben vous mettez dans un baquet de F1 en 15 jours j'ai le niveau de ces pilotes. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors ce qu'on peut mettre en avant sur les nouveaux pilotes, c'est leur faculté d'adaptation, le fait qu'ils puissent être dans le rythme rapidement. Mais n'allons pas dire que le mec a un potentiel de champion du monde, on n'en sait rien. Quand on n'en sait rien, on n'en sait rien. Certes, il a pu montrer dans les catégories précédentes un niveau exceptionnel, mais on peut se dire, ouais, c'est de la graine de champion, ça peut être de la graine de champion, mais il doit encore prouver. Mais voilà, il faut finir la phrase en nuançant le propos, mais il n'y a jamais de nuance. Jamais de nuance quand un nouveau est mis sur le piédestal. Pourquoi? Parce que ça ferait moins sensationnel, moins spectaculaire. Et voilà, ça, c'est ce que je critique vraiment. Après, voilà, vous allez me dire, ben, on n'est pas idiots, hein, on se fait pas avoir tous comme des idiots, nous prend pas pour des cons, Julien. Ben, non, je vous prends pas pour des idiots. D'ailleurs, les gens avalent de moins en moins la soupe qui peut être servie par les médias, que ce soit dans tous les domaines. Mais voilà, le fait est que les médias ont leur influence, et c'est bien normal, puisqu'ils sont censés délivrer une information, et on est censé leur faire confiance. Donc, ceux qui les croient, je les prends pas pour des idiots. Non, non, je les prends pas pour des idiots. Je les prends pas pour des idiots, pas du tout. Moi, je critique les médias, pas les gens, là, pas du tout. Normalement, on devrait pouvoir faire confiance, voilà, de manière pas aveugle, mais on devrait pouvoir faire confiance aux médias dits spécialisés. Sur un sport, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas, on ne devrait pas y avoir de 36 soucis. Ils sont censés apporter un propos juste aux téléspectateurs, aux éditeurs et aux lecteurs. À partir de là, on devrait les croire. D'ailleurs, moi, avant, il y a de nombreuses années, ben voilà, j'étais dans cette position. Mais je ne le suis plus parce que une fois que tu réfléchis à propos de ton sport, du sport que t'aimes, t'adores, tu réfléchis un peu plus dessus, que tu te renseignes et tout, que tu regardes pas mal de vidéos, tu lis pas mal d'articles et tout, tu te dis, ouais, mais non, en fait, il y a quelque chose d'assez malsain derrière, en fait. Il y a quelque chose d'assez malsain et on va pas dans le fond des choses. C'est pour ça que j'ai créé Analyse F1 aussi. Donc moi, c'est pas bon pour le sport. Pour cette raison, exalter de manière prématurée les pilotes, ce n'est pas bon pour le sport en lui-même, voilà. Deuxième point de vue, l'argent. Pour répondre à la question, est-ce positif pour le sport en général? Donc pour le point de vue de l'argent, oui, c'est positif, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça signifie plus de places vendues sur les circuits. On le voit bien avec le phénomène Verstappen, hein, où on nous l'a survendu dès le début, sans aucune once d'objectivité, hein. Et j'étais là pour le dire, hein, à l'époque. On pouvait ressortir les bandes, on pouvait ressortir les cassettes, vous verrez vraiment qu'à l'époque, je disais attention. Certes, ça a été un phénomène en karting, mais il a fait qu'une saison en monoplace, il faut attendre ce que ça donne en F1. il manque d'expérience comparé à d'autres. Et en effet, on a vu qu'il a fait des erreurs. Mais même quand il faisait des erreurs, on nous le survendait et tout, on écartait. Quand on l'évoquait ses courses, on écartait volontairement ses erreurs pour parler de tout ce qui se faisait de bien. Alors oui, c'est clair, il faut citer, mais en fait, il faut citer les deux. Faut ni le survendre, ni le sur, comment dire, le surcasser. Alors des fois, on a pu avoir l'impression que je le surcassais, mais c'était pour répondre au phénomène de, comment dire, justement, d'exaltation injustifiée et prématurée. C'était pour rétablir l'équilibre. Et d'ailleurs, j'ai jamais dit que Verstappen n'était pas rapide, j'ai jamais remis en cause sa pointe de vitesse ou quoi que ce soit. Enfin, pas sur les qualités qui sont inhérentes chez ce pilote et qui sont indéniables. Mais par contre, sur tout le reste, j'ai dit ce qu'il fallait dire, quoi. J'ai fait preuve d'une analyse que je veux la plus objective possible. Voilà. Du coup, avec tout ça, les supporters néerlandais, ils ont suivi le train de l'hype. Pourquoi? Parce que Verstappen est un pilote hollandais. Et du coup, il y a pas mal de supporters hollandais qui se déplacent partout en Europe. Partout en Europe, il y a vraiment pas mal de tribunes remplies de supporters hollandais. Donc c'est bien pour la F1, ça. Et il y en a même qui se déplacent en dehors du continent européen. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. De ce point de vue-là, c'est bien pour le sport. Mais bon, c'est amené de manière assez, comment dire, assez mauvaise, on va dire. Il y a d'autres moyens de le faire. Et aussi un deuxième intérêt du point de vue de l'argent, c'est pour les médias en eux-mêmes. Ben voilà, parce que eux, ils amassent de l'argent sur le dos de la vérité, donc sur le dos des gens, donc sur notre crédulité en fait. Et ça, on doit pas l'accepter. On doit pas l'accepter. Et le pas l'accepter, c'est tout simplement essayer de bien analyser. Moi, je vous invite vraiment à faire preuve de vigilance quand vous lisez tout ça, quand vous voyez les commentaires, etc., de bien avoir conscience de ce qui se dit et de pas prendre tout pour argent comptant, y compris quand vous écoutez Analyse F1, d'ailleurs. Le mieux, quand on écoute quoi que ce soit, que ça concerne le sport ou autre, d'ailleurs, un autre domaine comme la politique ou que sais-je encore, c'est d'écouter, mais de comprendre surtout. De comprendre ce qui se dit. Et après, de pas dire, de pas y prendre comme argent comptant tout de suite. D'analyser ce que vous écoutez et de vous dire, ouais, bon, là, il me semble qu'il a raison. Ou là, me dire, bon, là, ça me semble douteux, je vais me renseigner dans d'autres sources, on va dire, d'informations qui peuvent apporter d'autres éléments de réponse. Voilà. Analyse F1, c'est un autre média qui permet d'apporter d'autres éléments de réponse à des problématiques liées à la F1 ou à l'actualité de la F1, voilà, à tout ce qui concerne la F1. Tout simplement, tout simplement. Donc voilà, c'est assez malsain de faire ça de la part des médias. Ça leur rapporte des sous, ça c'est sûr, mais sur notre dos, donc faut qu'on soit conscient de ça et qu'on fasse en sorte de le signaler tout simplement. Parce que je crois d'autres manières de le faire. Il y a moyen de fournir des choses de bonne qualité. Là, je vois avec le système d'abonnement sur les sites internet, par exemple. Système d'abonnement, c'est très bien. On paye un abonnement, admettons. Mais voilà, là, par contre, il n'y a plus de raison, plus aucune raison de faire de la pub malsaine. C'est pas ça qui va amener les gens à payer, par contre. Mais par contre, avoir des articles de qualité qui sortent un peu de la masse, là oui, ça fait une plus-value, là oui, pourquoi pas. Faut voir, faut voir. Et pour la télé, ils ont qu'une excuse, hein. Canal+, au niveau médiatique, ils ont pas à survendre Verstappen ou quoi, ou d'autres pilotes. Ils peuvent survendre le duel Hamilton-Vettel, comme quand c'est en foot, ils survendent des fois des matchs. Mais encore, bon, ça c'est leur manière de faire. Mais faut ils ont pas d'excuses, eux, ils ont la visibilité nécessaire, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont pas de là à faire l'aumône. Donc bon, à un moment faut arrêter les bêtises aussi. Est-ce positif cette attitude pour la bonne compréhension du sport par les spectateurs? Clairement pas, au contraire, comme je l'ai dit. Ça conforte une partie des fans vraiment dans des considérations triviales. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile d'entrer dans le sport, etc. Et ceux qui ne connaissent pas bien le sport, en plus, ceux qui veulent se mettre à regarder la F1, risquent d'avoir vraiment des mauvaises conceptions de ce sport. Et dès le début, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon aussi pour eux, et aussi parce que sur le moyen long terme, si la F1 écoute ses fans, notamment via les sondages, et qu'une partie non négligeable justement de ces fans comprend mal le sport, on va dire, à cause des médias, vraiment. Et aussi en partie à cause des gens. Bon, faut dire que il faut que les gens, à un moment, ils se mettent en tête qu'il faut réfléchir à propos de ce qu'ils écoutent et tout. Mais bon, c'est pas eux les plus fautifs. Eh bien, vraiment, le sport pourrait évoluer de façon négative sur des points précis. On l'a vu il y a quelques années. Il y a quelques années. On critiquait qu'il n'y avait pas trop de dépassement en F1 dans la fin des années 2000, à peu près. Fin des années 2000, milieu fin des années 2000. Ce qui était vrai, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de dépassement en F1, il n'y en avait sûrement pas assez de lutte, et il fallait régler ça. Mais direct, voilà, direct, les gens ont dit, voilà, spectacle, spectacle, spectacle. Bah, du coup, à revendication un peu trop triviale de la part des spectateurs, bah, il y a eu une réponse encore plus triviale de la part de la F1. DRS, de la part de la FIA, voilà, DRS. Grosse réponse, DRS. Tout simplement. C'est un exemple que je vous cite. Voilà. Mais après, ce qui me donne espoir, c'est que dans le récent grand sondage autour de la F1, dont je vous avais présenté quelques résultats dans un des derniers podcasts, en introduction, eh bien, ça me rassure parce que les fans de la discipline sont globalement sensés, finalement, quand on regarde ces résultats. Ils se rendent compte que, voilà, que certains éléments du sport qui pourtant pourraient donner accès à un spectacle plus grand mais plus factice et finalement au niveau sportif c'est pas bien, c'est pas bon, les pilotes sont pas d'accord, les spectateurs avertis non plus, et bien du coup l'ensemble des spectateurs réagit face à ça. Donc voilà, l'ensemble des fans sur la globalité est plutôt sensé. Je parlais des pilotes, et bien parlons-en, est-ce bon pour les pilotes tout ça là d'être justement sur le devant de la scène sans trop de raison. Mais psychologiquement non, je pense, parce que ça leur rajoute une pression qui n'est pas nécessaire, surtout que souvent ça concerne de très jeunes pilotes, plus en plus jeunes d'ailleurs, et ça peut leur monter à la tête, ça peut vraiment leur monter à la tête, vraiment. Mais généralement, il faut vraiment saluer leur grand professionnalisme à leur jeune âge et à leur bon entourage pour les éloigner de tout ça. Généralement, ils lisent pas la presse, ils évitent de lire tout ça, ou en tout cas, on les met en dehors de ça, on leur dit, bon, concentre-toi sur ton boulot, et tout ce qu'on peut dire à côté, tu t'en fiches, t'essayes de t'en ficher, et ça ira bien. Et généralement, ils le font plutôt très bien. Plutôt très bien. Après, pour leur carrière, ça peut être bon. Ça peut être bon si c'est bien exploité, notamment par leur management, leur entourage. Parce que s'ils sont médiatisés, et que le management, justement, il peut en profiter pour faire gonfler la cote de leur pilote, la valeur, pour artificiellement, justement, vanter les mérites du pilote dans le paddock, et ben, c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour le pilote, quoi. Si c'est bien fait, ça peut être sympa. D'ailleurs, ça avait été le cas il y avait eu, Valtteri Bottas qui avait joué sur ça, il me semble, dans le management. Le clan Verstappen joue beaucoup sur ça pour mettre la pression à Red Bull notamment. Donc ça peut jouer, c'est un peu comme en foot, vous avez les agents qui souvent de manière malsaine d'ailleurs qui vont dire ah ouais, il y a eu telle offre de tel million d'euros, tant de millions d'euros envers mon joueur. Alors des fois souvent même c'est faux. Mais justement les médias eux ils prennent l'information comme argent comptant, ils s'en foutent et puis ils vont la délivrer, tu vois. Ils vont pas vérifier, tu vois, si c'est vrai ou pas. Ils vont juste, voilà, écouter l'agent et retranscrire ce que dit l'agent dans les médias. Donc c'est tout bon pour l'agent, c'est tout bon pour le joueur finalement. Bah là, c'est un peu pareil en Formule 1. Ils peuvent jouer là-dessus, le management. Voilà, c'est du business, hein. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est vrai que ça peut jouer. Après, bon, la surmédiatisation, ça peut avoir un effet qui se coule, hein. C'est-à-dire que ça peut également être très mauvais. Parce que, sitôt, ces pilotes-là qui sont mis sur le devant de la scène, ils sont sitôt oubliés dès que la surmédiatisation suivante survient, c'est-à-dire sur un autre pilote. Voilà. L'exemple, c'est Kevin Magnussen. On nous a survendu au début, blablabla. Il avait fait une très bonne carrière avant la F1, voilà. Mais bon, ben, une fois que le soufflet est un peu retombé, qu'on a vu notamment que la McLaren de 2014 n'était pas en forme, que Magnussen faisait des erreurs et tout, ben, bizarrement, après, on a dit un autre pilote, voilà. On va parler d'un autre pilote, on va arrêter de parler de Magnussen. Et là, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que Magnussen qui passe d'une situation très médiatisée à moins médiatisée, eh ben, c'est mauvais pour son image. Voilà. Alors que pourtant, si à la base les médias avaient été objectifs, ça aurait eu une moindre conséquence sur son image globale, que ce soit son image au sein du sport, au sein des fans, etc. Donc voilà, pour moi c'est pas globalement c'est pas bon, pas bon pour les pilotes. Et pour l'instant tout ce qu'on a vu que c'était bon, ça concerne du business et de l'argent. Pour l'instant d'agir comme ça, c'est que pour des raisons d'argent. Et toutes les raisons sportives, je les ai écartées. Humaines également pour les pilotes, je les ai écartées. Donc bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Faut bien se rendre compte vraiment, hein, pour tous, pour tout le monde, que la F1, ça reste le sommet, vraiment. Avec plein de pilotes qui sont dans le même cas. Quasi tous les pilotes ont eu du succès dans les précédentes catégories. Donc on pourrait survendre en fait tout le monde. C'est ça. Mais vous voyez bien la débilité de la chose en fait. C'est que tout le monde provient des catégories inférieures et a réussi. Voilà, quasiment. Sauf quelques pilotes comme Marcus Ericsson. Mais globalement, ils ont tous eu des titres avant. Mais la F1, c'est une dimension tout autre. Parce que ça rassemble tous les pilotes comme ça qui ont réussi. Tout simplement. Et c'est un autre effet. C'est mondial. C'est vraiment international. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Et du coup, quand un nouveau pilote arrive, aussi fort soit-il dans les catégories inférieures, j'ai pu vanter Stoffel Vandoorne par exemple, mais voilà, Stoffel Vandoorne, il arrive en F1, où plein de pilotes sont dans son cas, où il doit tout refaire. La F1, les pilotes doivent tout refaire. Et c'est ça qui est fort dans les pilotes qui arrivent à se démarquer, c'est que même dans la situation où ils sont nouveaux en F1, où ils doivent tout refaire, s'ils arrivent à s'exprimer, là, il faut les mettre en avant, là d'accord, mais pas au début, quand ils n'ont rien fait. Parce qu'en plus, ça peut leur porter préjudice envers les fans, ça peut être mauvais pour leur réputation, parce que ça peut énerver certains fans. Si un pilote qu'on nous vante monts et merveilles, voilà, et ben il est pas à la hauteur, eh bien on aura plus facilement tendance à être très critiquant envers lui, plutôt qu'un autre plus discret médiatiquement, qui va faire son chemin, tout autant que ce pilote-là, en fait ils vont faire le même chemin, mais il y en aura un qu'on va descendre, et l'autre, ben on va quasi pas en parler en fait. Tout simplement. Et en plus de ça, on peut faire une overdose médiatique, comme ça a été le cas avec Vettel au début, souvenez-vous. Avant même son arrivée en F1, je m'en souviens sur TF1, on annonçait Baby Schumi, il arrive, ça sera la relève de Schumacher et tout. Il va être champion du monde, il était même pas en F1, il était en Formule BMW encore, il était en train de remporter son titre, mais on savait pas. Il avait fait, je crois, aussi un remplacement en F1, là, chez BMW Sauber, s'était soldé avec succès, certes. Mais voilà, on nous en faisait des tonnes. Donc forcément, quand t'es spectateur de la F1 depuis des années, qu'on te dit ça, eh ben ça énerve. Et malheureusement, ça énerve sur le pilote. Alors que lui, il a rien demandé, hein. Il demande juste à être en F1 et à performer. Il demande pas à être détesté ou à ce qu'on le mette sur un piédestal. Donc voilà, et ça n'a pas plu notamment à une partie des fans de Michael Schumacher, ça, hein. Et à plusieurs autres. En plus de ça, il a connu une période de domination. Donc il y a une partie des fans également qui n'aiment pas ça. Bon, pour le coup, il a bien répondu à la surmédiatisation, Vettel. C'est clair qu'il a réussi. Mais ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur parce que justement, à la base, on nous l'a survendu, on parlait que de lui alors qu'il n'avait encore pas trop montré de choses. Et puis, il y a eu son attitude également chez Red Bull qui n'a pas plu à pas mal de personnes parce que c'était jugé un peu arrogant, un peu... Quand il gagnait également, voilà, Vettel est très content de gagner, soif de victoire et tout. Et bon, le jeune loup, on va dire, qui arrivait à battre les plus expérimentés, ça a pas plu à beaucoup. Après, quand il est arrivé chez Ferrari, on a vu, il était plus souriant, plus détendu et tout, peut-être plus humble face à la tâche qu'il attendait dans cette écurie qui est bien plus grande que sa personne. Et voilà. C'est pas la même situation que chez Red Bull, et du coup, sa cote de popularité a de nouveau augmenté. Mais il y a un effet qui se coule, hein, du fait qu'on l'ait monté sur un piédestal dès le début. Forcément, forcément. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'a pas apprécié ses succès comme on aurait dû, hein. Quadruple champion du monde, hein. Actuellement, là, parmi tout le tableau, c'est le pilote qui est le plus titré, hein. Faut jamais l'oublier. Vettel, c'est le pilote qui est le plus titré actuellement, hein. Et qui court encore. Donc voilà, c'est dommage. Il faut vraiment savoir être patient en sport dans l'analyse. Vraiment. n'y a pas besoin de dire tout tout de suite comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, malheureusement, bien souvent, le buzz n'attend pas. Et oui, le buzz, les ventes n'attendent pas. Il faut être vraiment une poule pondeuse de news sensationnelle. Mais vraiment, hein. Vraiment, c'est des poules pondeuses. Tous les jours, on va avoir un article ou un en-tête d'article qui va te provoquer le clic ou provoquer l'achat. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout et n'importe quoi en plus, hein. Même sur des petites infos qui n'ont rien à faire, ils sont capables maintenant de faire des articles sur des tweets, hein. C'est quand même dingue, hein. Donc voilà, c'est un phénomène plus général qui ne concerne pas juste les jeunes pilotes qui sont mis sur un piédestal de manière prématurée. Ça concerne un peu tout, hein. Ça, ce phénomène-là que je dis, ça fait partie d'un phénomène plus général du buzz médiatique, en fait, hein. Faut bien raccorder tout, hein. Faut bien raccorder tout, raccorder les différents podcasts où j'ai évoqué ça et celui-ci, hein, vraiment. Donc voilà, j'en appelle vraiment, vraiment, hein, solennellement. J'en appelle vraiment à votre ouverture d'esprit, chers auditeurs, et à votre capacité de réflexion. Faites le tri quand vous écoutez, regardez, lisez, y compris sur mon propre podcast, hein, je le répète, mais c'est important. Oui, y compris sur mon propre podcast, hein. Je ne vais pas faire preuve d'égocentrisme en disant « je suis la vérité absolue ». Je suis juste une alternative telle que peut l'être le SAV de la F1, telle que peuvent l'être d'autres podcasts ou d'autres sites internet plus indépendants, comme, je sais pas, Formula Rapida ou d'autres sites d'actualité. Je crois qu'il y a un site, c'est F1 Fanatique, un truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de sites qui existent, plein de chaînes de télé, plein de radios, plein de spécialistes et tout. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Renseignez-vous sur ce qu'on vous dit si vous avez un doute. Après, voilà, il y a certains domaines, moi c'est le domaine de la mécanique. Je m'y connais pas trop en mécanique de la F1, donc forcément quand je lis un article de Giorgio Piola, notamment c'est ce qu'il fait sur les vidéos 3D également, ou les articles de Nicolas Carpentier également sur F1i, sur Motorsport, je ne sais plus qui gère la partie technique, mais il le fait très bien également. Bref, moi je fais confiance à ces gens-là parce que ils ont une expérience sur la partie technique, sur l'aérodynamique, etc., sur la partie moteur, etc., sur les noms tout simplement des pièces qui composent une F1. Voilà. Donc moi, quand je les lis, et je suis pas en position de me dire ils ont peut-être tort là, non. Je lis comme ça, je prends pas non plus tout pour argent comptant, mais ça m'aide aussi à apprendre. Mais après, concernant d'autres domaines moins techniques, vous pouvez facilement vous dire, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Quand il dit que, je sais pas, imaginons, on dit Stroll a fait une énorme saison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il a fait une énorme saison? Parce qu'il a eu un podium. Non. Non. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Et pourtant, il y en a qui vont le dire. Il y en a qui, dès que Stroll a eu son podium, on a dit ça fait taire les mauvaises langues. Mais non, ça ne fait pas taire les mauvaises langues parce que ça ne sont pas des mauvaises langues. C'était vrai, début de saison, et vraiment mauvais de la part de Stroll. Et c'est un rookie. C'est un rookie. On attend de voir, tout simplement. Il n'y avait pas à le descendre, il n'y avait pas à l'enflammer quand il a fait le podium, même si c'est très bien pour lui, c'est une excellente performance, c'est énorme. Mais il faut voir sur la durée. Voilà, tout simplement. Faut être juste avec les choses. Et ça, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, je trouve. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à ouvrir les esgourdes, à ouvrir l'esprit. Et c'est important pour tout, hein, pas que pour la F1, pour tout. Vraiment, c'est important. Parce qu'en plus, ça vous stimule votre cerveau. Et ça, c'est important, c'est de pas être gaga devant la télé, là, ou en écoutant la radio, à assimiler tout ce qu'on vous met dans le crâne et justement... à dire bah oui c'est comme ça, non non non, c'est pas comme ça que ça se passe justement, parce que comme je l'ai montré, les médias n'agissent pas de façon forcément très honnête avec nous tous, dans la délivrance de l'information et l'analyse de celle-ci, voilà. Alors, outre la critique, je suis là pour proposer des choses, donc j'ai quelques solutions que j'ai à proposer à ces médias, donc tous hein, en vrai, écoutez-moi, quelques solutions. La passion peut se conjuguer avec raison. Et oui, c'est ce que j'essaye de montrer ici dans l'analyse F1. La passion peut se conjuguer avec raison. Je pense que c'est très important de bien avoir en tête cette phrase. Certes, je suis passionné quand je parle de F1, mais je le fais de façon raisonnée. C'est-à-dire que je le fais pas en mode parce que évidemment, moi, quand je regarde une course, bon, j'ai un petit faible, je suis français, j'ai un petit faible pour les pilotes français, mais je me détache de ça très facilement. J'ai de plus en plus de mal à être dans un supporterisme, en fait, par rapport à il y a pas mal d'années. Mais voilà, il y a toujours le petit cœur qui bat pour nos pilotes français, ça m'arrive, c'est forcément. Mais voilà, quand je suis dans l'analyse F1, je vais pas parler de Grosjean trois quarts d'heure, alors que par exemple Hamilton a remporté la course. Non. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai évoqué les résumés de Grand Prix, j'ai parlé de Ocon parce qu'il y a eu des incidents importants avec son coéquipier, qui ont pas mal fait parler, c'est bien normal, vu que c'est une écurie qui est quatrième du championnat du monde, mais j'ai pas parlé de Grosjean, parce que malheureusement, pour lui, la Haas n'est pas forcément au point, même s'il fait plutôt. Il fait des bonnes performances, mais c'est pas, il fait pas non plus une saison très très bonne. Hein. J'y reviendrai dessus en fin de saison, bien entendu, comme sur chacun des pilotes très certainement. Mais voilà, je suis juste dans mon analyse et je pense que faut savoir séparer et à la fois conjuguer les deux. Aussi, autre phrase, autre conseil, l'avarice. Là, je parle vraiment d'avarice, hein, des péchés capitaux. Ça ne doit vraiment pas battre l'éthique journalistique et le professionnalisme en général. L'avarice ne doit pas battre l'éthique journalistique et le professionnalisme en général. Vraiment. Quand vous êtes journaliste, il y a une éthique à respecter, un professionnalisme. Même si on cherche à vous imposer, le rédacteur en chef ou autre, cherche à vous imposer une vision des choses parce qu'il faut faire vendre, il faut savoir également s'opposer et dire non, et je fais pas ce métier pour ça. Ben sinon, vous pouvez vous en vouloir à vous-même, tu sais. Et puis c'est pas marrant de faire un métier et de tous les soirs te dire ah ben non, je fais ce métier, mais je le fais pas comme j'aimerais le faire, tout simplement. Ça respecte pas mes convictions, mes valeurs, etc. Et d'ailleurs, je suis très content finalement de pas avoir fait des études de journaliste, parce que si c'était pour arriver, si c'était pour me fondre dans ce moule, on va dire, qui est là pour le buzz et tout, j'aurais été très mécontent de le faire. Et je suis très content d'avoir mon indépendance d'analyse F1. Donc voilà, vraiment, si je peux, ne serait-ce qu'éveiller l'esprit d'une personne, j'en serais content. Tout simplement, d'un journaliste par exemple, j'en serais vraiment content. Après, j'ai conscience que ce n'est pas facile pour les journalistes, vraiment. Enfin, ils sont salariés, il y a des N+1, des N+2 au-dessus qui dictent. Donc je me doute qu'ils n'ont pas non plus, parce que quand je vois sur 10 000 sites différents, quasiment les mêmes articles qui vont vanter les choses, ou après quand j'écoute la télé, j'écoute la même chose, je me dis non, ils ont pas leur libre arbitre, c'est pas possible. Parce que vis-à-vis de tout ce que j'ai cité dans l'analyse de STEM, là, sur les exaltations prématurées des médias envers les pilotes, non, comme je l'ai dit avant, ils sont pas stupides. Non, c'est juste qu'ils sont pas objectifs. Et voilà, forcément, ils peuvent pas avoir tous la même analyse sur quelque chose qui est faux. Pas possible, donc j'essaye de rétablir également un semblant de vérité ici. À vous de juger après, n'hésitez pas à réagir là-dessus et à partager mon analyse également au plus grand nombre, évidemment. Et bien c'est tout pour le thème, l'analyse de ce thème d'ailleurs. Nous allons passer à la dernière partie du podcast sur le petit résumé sur la saison de Formule 1 qui s'est terminée cet été. Et on va s'écouter une nouvelle chanson de White Blues, à tout de suite. Allez, dernière partie de ce podcast, on va revenir sur la saison de Formule électrique, la Formule E, qui s'est déroulée en 2016-2017, hein, ça court sur deux années, à cheval sur deux années, ça commence fin 2016 et ça dure jusqu'à l'été 2017. Donc voilà, sur les 8 premières courses, 6 ont été remportées par Sébastien Buemi sur l'Idams Renault. Donc Buemi qui était champion sortant, évidemment avec forte domination de l'Idams qui a su développer sa monoplace et aussi faire des tests d'ailleurs critiqués, hein, notamment par Jean-Éric Vergne. Ils ont fait des tests que d'autres n'ont pas fait parce que par manque de budget alloué à ça, et ben du coup Idams a dominé la saison et Buemi également, voilà. Donc on se disait Buemi au-dessus, c'est bon, il va remporter le titre. 6 courses sur 8 remportées, honnêtement, allez me dire qu'il va pas remporter le titre. Bref, moi le championnat semblait plié. Les courses en plus étaient globalement pas très spectaculaire, sauf une ou deux. Mais voilà. Et ensuite, il y a eu le double rendez-vous de New York. Donc l'avant-dernier rendez-vous de la saison. Et il a eu lieu, et manque de peau pour Buemi et d'autres, il est tombé en même temps qu'une manche du championnat du monde d'endurance. Ben, du coup, Buemi, il a été contraint de se rendre en endurance, tout simplement. Il n'était pas très content de cette situation, il n'était vraiment pas à l'aise face au fait que dans le calendrier, il y ait tout simplement y ait, ça, quoi. Qu'il y ait un clash entre les deux épreuves, des deux différentes catégories. D'ailleurs, normalement, ça, l'année prochaine, ça sera réglé le problème. Parce que c'est la FIA. La FIA gère la Formule E, la FIA gère le WEC, championnat d'endurance. Donc, ils peuvent s'entendre dans le calendrier, hein. C'est pas un problème. Et là, c'était assez malheureux. Donc, mais normalement, ça sera réglé la saison prochaine. Tant mieux. Donc voilà, Buemi loupe deux courses. Di Grassi, dans le même temps, en profite, mais bon, relativement peu finalement. Il marque 22 points en deux courses sur 50 possibles, même plus que 50 parce qu'il y a des points pour la qualif, pour la pole et le meilleur tour. Donc voilà, et c'est Sam Bird hein, qui remporte le gros lot, puisqu'il remporte les deux courses à New York, mais il est assez loin au championnat. Donc il peut pas lutter réalistiquement pour le titre. Donc Buemi arrive lors de la dernière manche, sur la dernière manche de Montréal, qui est également un double rendez-vous, avec 10 points d'avance sur Di Grassi. Donc Montréal, c'est pas le même circuit que la F1 du tout, je vous arrête tout de suite, c'est vraiment dans la ville de Montréal hein, que la course se déroule. Donc voilà, on se dit que voilà, si Buemi fait le taf, sachant que la IDAM c'est vraiment supérieur. Ah oui, d'ailleurs, c'est Pierre Gasly qui a assuré l'intérim à New York en remplaçant de Buemi. C'était plutôt bien pour voir que c'était sa première expérience en Formule E. Il a tenu la dragée haute à Nicolas Prost et il a fait une bonne performance. Il a failli faire un podium également. C'était pas mal. Donc voilà, bref. On se dit que Buemi, bon, bah, s'il fait le taf, c'est plié, hein, vraiment. Hein. Mais bon, quand même, 10 points, ça laisse une bonne chance à Di Grassi. Sa meilleure depuis le début de la saison, vu que voilà, Buemi dominait les débats. Il avait remporté 6 courses sur 8. C'était compliqué pour les autres pilotes d'exister. Et là, bon, ben, c'est le drame. C'est le drame. On se croirait dans un sketch de Franck Dubosc. Et là, c'est le drame. Ben, c'est un peu ça. Dès les essais libres de la course 1, ça dégénère déjà. Avec Buemi qui fait une énorme erreur. Énorme erreur, puisqu'il se loupe dans une chicane, et il va taper le mur. Il va taper le mur. Donc là, ça occasionne un changement de batterie, qui occasionne 10 places de pénalité, en vertu du règlement. Donc voilà, il arrive à se qualifier deuxième. Di Grassi était premier, mais il partira douzième. Douzième. En plus, Idams doit réparer une monoplace. Je rappelle que les courses de Formule E, enfin, les événements Formule E sont tous sur la même journée, donc essai libre, qualif et course sur la même journée. Donc s'il y a un crash en essai libre, il faut tout réparer avant la course. Parce que je rappelle que deux voitures sont utilisées en course et qu'il y a un changement de voiture dû à des problèmes de batterie encore. En saison 5, 5 ou 6, il n'y aura qu'une seule voiture. Mais pour l'instant, il y a encore deux voitures, donc il y a un arrêt au stand pour changement de voiture en pleine course. Et du coup, ben la deuxième voiture, faut la réparer. Donc les mécaniciens de IDAMS, bravo à eux, ils ont fait le taf, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Vraiment, parce que malheureusement, la monoplace, ils n'ont pas eu le temps de la poser avant de l'affiler à Buemi. Et elle était trop légère, tout simplement. Elle était trop légère. A été trop légère. Et durant la course, bon, bah, du coup, il s'est fait disqualifier Buemi suite à cette erreur. Mais pendant la course, voilà, il y a eu quand même des accrochages. Hein. Ça n'a pas été vide en rebondissement. Donc, Buemi, dès le départ, il y a des embrouilles dans le peloton. Il fait un mauvais départ, Buemi, et il est pris dans les feux avec un pilote qui l'a attaqué à l'intérieur, c'était Frinz. Voilà, il y a eu des dégâts du coup sur la monoplace de Buemi ils sont un peu tapés avec Frinz, mais bon, c'était pas de la faute d'un des pilotes, c'était un incident de course. Il y a eu des dégâts avec le volant penché d'un côté pour Buemi. Il a dû conduire avec un volant penché pendant toute la course, enfin pendant toute la première partie de la course. Il s'est plutôt bien débrouillé. Puis ensuite dans les stands, il y avait Daniel Abt, donc le coéquipier de Ducati di Grassi juste devant. On sait que Abt, quand il veut faire le jeu de Di Grassi, c'est un peu sale comme manière de faire. On l'a vu l'année dernière, bah là c'est pareil. Il a ralenti délibérément dans les stands, il était en dessous de la vitesse limite. Voilà. Et du coup, Buemi était vraiment pas content. Et puis à la sortie des stands, Abt heurte Buemi. Voilà, Buemi était mieux sorti. Mais il y avait le full course yellow, donc c'est un peu comment dire, la voiture de sécurité virtuelle en F1, c'est un peu le même principe. Un Buemi, il sortait des stands, et puis il sortait des stands à vitesse normale, et puis à la sortie des stands, il a ralenti pour se mettre à vitesse de full Cursiello. Seulement, Abt, il n'avait pas compris que Buemi faisait ça, et du coup, ben, il a pas eu le réflexe de freiner, et il est rentré dans Buemi. Voilà. Donc Buemi, il a réussi à finir quatrième, pendant que je crois que Di Grassi gagne la course, ça devait être ça. Et ben du coup on se dit bon quatrième, bon ben pourquoi pas, ça on peut offrir une dernière course de folie avec les deux pilotes qui sont très serrés au championnat. Seulement ben il se fait disqualifier pour les raisons que j'ai énoncées, donc la voiture trop légère. À la fin de la course, ben Buemi pète un câble. Vraiment, il n'est pas connu pour garder son sang-froid, vraiment. On le voit dans les conversations radio. Voilà, ben vraiment même après la course, il était filmé. Il a parcouru l'allée des stands à pied. Et puis il allait chercher Daniel Abt et Robin Frins pour s'expliquer, les engueuler, en se montrant vraiment hautain. Ça a été pas bon pour sa réputation, ça, vraiment pas. Il s'est montré vraiment hautain, voire injuste même, avec un manque de recul total. Et bon ben voilà, c'était. Il sentait que le titre s'échappait hein, aussi. Il y a l'adrénaline de ça, la lutte pour le titre. C'est horrible pour Buemi d'avoir loupé deux courses également à cause d'un clash de calendrier. Donc voilà, il y a tout ça qui remonte, il s'est vraiment défoulé sur Daniel Abt et Robin Frins en direct, et c'est bien dommage. Course numéro 2, ben, Buemi commet une grosse erreur en qualif en prenant les risques maximum. Au lieu d'assurer une qualif dans le top 10, enfin, il pouvait pas trop assurer, il était dans le premier groupe, donc le groupe où les pilotes ont le moins de grip sur la piste. Donc voilà, il a pris des risques et il les a payés, vu qu'il s'est qualifié en 13e position. Alors que Di Grassi s'est qualifié en 5e position. Donc il est prêt encore dans le peloton en Formule E, et comme on le sait, quand on est dans le peloton en Formule E au départ, eh ben c'est des gros risques d'être pris dans un accrochage, mais vraiment hein, des très gros risques, hein. ou d'en être une victime collatérale. Et ça a été de nouveau le cas avec Buemi. Voilà, il a de nouveau été victime du collatéral d'un accrochage, et du coup, ben il doit repasser au stand, tout simplement. Ensuite, il remonte tant bien que mal, mais il finit seulement 11e et Di Grassi 7e. Ben, Di Grassi était déjà largement en avance sur Buemi au départ de la deuxième course. Grâce à la disqualification, ben là, il parachève sa victoire dans le championnat de Di Grassi sur deux courses vraiment. Donc, et il finit avec une confortable avance au championnat, hein, 24 points du coup. Donc, c'est assez fou. C'est assez fou ce dernier. Week-end, et là vraiment c'était, ben, s'il y avait un week-end à suivre durant toute la saison de Formule 1, c'était ce dernier week-end, hein, vraiment, c'était ce dernier week-end, hein, parce qu'il s'en est passé, il y a eu du spectacle, vraiment, il y a eu des larmes, il y a eu du sel, il y a eu de tout, donc c'était vraiment très intéressant. Et enfin, la dernière course a marqué la première victoire en Formule 1 pour Jean-Éric Vergne, qui remporte enfin une victoire en Formule 1 lors de la dernière course de la saison. Donc ça peut augurer de bonnes choses pour la prochaine saison pour lui, vu qu'il souhaite lutter pour le titre. On verra. Et Idams remporte le titre constructeur, par contre, logiquement, ce qui fait quand même un lot de consolation assez bien pour l'écurie française, qui le mérite, là, franchement, c'était la meilleure monoplace. Ils ont perdu le titre pilote, en partie quand même à cause de leur pilote, hein, avec un Nicolas Prost trop... pas assez rapide, quoi, correct, mais sans plus, et un Buemi qui peut être bon, voire très bon, mais qui n'a pas tenu la pression du dernier week-end alors qu'il avait l'avantage et qui a craqué, qui fait des erreurs. C'est un peu le lot hein, Formule 1, il y a des très bons pilotes, mais c'est pas des pilotes d'excellence tels qu'on peut en voir en F1 ou des fois on pourrait se dire que c'est des robots en F1, ils font pas d'erreurs et tout. En Formule 1, il y a des erreurs, c'est vraiment des humains, ça c'est sûr, et Buemi en est un. Et voilà, il s'est fait battre par Di Grassi, qui était très content de remporter le titre, parce que ça fait 3 saisons qu'il luttait pour le titre, notamment. Donc, avec Buemi, notamment. Donc, voilà. Titre pour le pilote brésilien, qui est un formidable ambassadeur pour la Formule 1. Ça a été un des premiers, je crois, à tester une Formule 1, etc. Il est assez souriant et tout. Après, faut pas qu'il fasse ce qu'il a fait au dernier week-end à Londres, la saison dernière, où là c'est lui qui avait craqué face à Buemi. Finalement c'est un craquage partout et un titre partout entre les deux. On remet la balle au centre pour la saison 2017-2018. Et pour la saison 2017-2018, il y aura un constructeur nouveau qui vient, c'est Audi. Alors Audi était le sponsor principal de l'écurie Apt, et maintenant ils viennent carrément en tant que constructeur pour se mesurer à Renault. Donc la lutte sera sûrement encore plus intense en piste entre les deux écuries, et tant mieux. Plus il y a de constructeurs, plus il y a de concurrence, et mieux c'est pour la catégorie. On veut pas voir juste l'écurie Dams qui développe la monoplace, en tout cas les quelques parties de la monoplace qui sont autorisées dans le développement, et remporter des courses, quoi. On veut pas ça. Donc voilà, c'est bien. Et ce qui est positif pour les saisons suivantes, c'est qu'en 2019-2020, il y aura l'arrivée de Mercedes en constructeur, qui quitte le DTM d'ailleurs pour ça, et Porsche également, qui a quitté l'endurance pour ça. Donc deux grands constructeurs allemands, Porsche et Mercedes. Ouais, d'ailleurs, il n'y a que des constructeurs allemands là que j'ai cités, hein, Porsche, Mercedes, Audi, hein, il me semble. Et il y a BMW qui vient également. BMW en 2018-2019, pardon. Mercedes 2019-2020 et Porsche également comme Mercedes. Donc des gros constructeurs qui arrivent en Formule E. Donc c'est très intéressant. Ça va encore être, comment dire, très positif pour l'image de ce sport et de cette discipline. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et ça ramène de la concurrence. C'est parfait. Aussi, une autre nouvelle, ben, c'est que la saison prochaine, il y aura d'autres petites parties de la monoplace. L'année dernière, c'était le train arrière qu'on pouvait développer. Eh bien, en plus du train arrière, il y aura un autre truc, je crois, un autre élément de la monoplace que les écuries pourront développer. Voilà, on fait petit à petit en Formule E pour pas que ça devienne une course à l'armement, enfin une course au développement qui récompense vraiment que les écuries les plus fortunées. Et bon, heureusement qu'ils font ça, parce que si directement ils avaient fait bon, ben vous pouvez développer tout ce que vous voulez, ben on aurait eu Idams qui aurait un tour d'avance sur tout le monde à toutes les courses, et ce serait pas drôle. Là au moins, ça autorise la compétition, mais dans le même temps, ça encourage les écuries qui vont investir dans le sport et qui vont faire en sorte que le sport se développe, parce que le but c'est de développer la technologie électrique également. Donc il faut bien qu'il y ait du développement de la part des écuries. Donc c'est fait intelligemment et c'est bien. On espère voir des courses, on va dire, plus belles l'année prochaine. Parce que cette saison, vraiment, comparé aux deux autres saisons, j'ai trouvé qu'il y avait moins de courses intéressantes au niveau du spectacle. C'est intéressant, vraiment, moi, toutes les courses, c'est intéressant. Mais vraiment, au niveau du spectacle et des batailles, bon, ben, c'était pas très intéressant. C'était plus stratégique qu'autre chose, forcément. Et à part le dernier week-end de Grand Prix... Globalement, c'était plutôt terne, notamment à cause de la domination des Idams. Voilà, bon, ben rendez-vous la saison prochaine pour la Formule E et pour en parler de nouveau. Et rendez-vous dans le prochain podcast pour reparler de F1 de nouveau. Donc je ne sais pas quand il interviendra. À Noël, qui sait, ou peut-être avant, j'en sais rien. Faudrait que je continue les high speed dating, mais faut trouver le temps. Et c'est compliqué de trouver le temps malgré mon temps libre. J'ai d'autres occupations dans mon temps libre, du coup c'est compliqué. Comme je l'avais déjà expliqué lorsque j'avais changé de format l'année dernière. Donc voilà, mais bon, j'espère que ça vous gêne pas trop. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez parler de F1 sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, j'y suis par moment, donc il n'y a pas de souci, on peut discuter de choses et d'autres. Et c'est cool, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager ce podcast également s'il vous a plu. Ah désolé, j'ai pas été, là c'était le podcast vraiment après 3 mois... Forcément, il y a eu des bégaiements, il y a eu des hésitations, mais bon, j'espère que c'était clair en tout cas, c'était pas trop lourd à écouter, et puis je vous donne rendez-vous au prochain podcast, et d'ici là, vivons notre passion! À bientôt!